Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 7 janvier 2022. Voici les grands titres de cette édition. Certains commerçants qui exerçaient leurs activités à l'ancien marché central de Bujumbura s'inquiètent de la lenteur mise pour débuter la réhabilitation de ce marché ravagé par le feu il y a près de 10 ans. Cette question a été débattue au Conseil des ministres du mois de septembre 2021. Élément de réponse dans un extrait du compte-rendu de ce conseil. L'alimentation des sites web en contenu actualisé reste le plus important que leur création, selon Abiyar David, expert en technique de l'information et de la communication. Vous l'entendrez. Et dans la chronique Environnement ce vendredi, un professeur d'université nous expliquera que le reboisement est la meilleure façon de protéger l'environnement. Bonjour. Bon nombre de sites web des institutions publiques sont fonctionnels, mais certains devraient revoir la qualité de leur contenu, suggère ce vendredi certains journalistes de la presse écrite comme Iwacho et du magazine Jimbere. Selon ces journalistes, l'annonce actualisation des sites web de ces institutions constitue un frein dans leur travail quotidien. Ils demandent aux responsables de ces institutions d'améliorer la qualité de leur travail pour l'intérêt de la population. Suivez-les. Dans certaines institutions de l'État ou bien dans d'autres institutions privées, certains chiffres ne sont pas pris actualisés. Parce qu'on peut trouver des chiffres de 2017 actualisés de 2017 alors que nous sommes en 2022. Les sites peuvent être nos sources. Personnellement, quand je visite les sites, il y a des informations qui ne sont pas trop profondes. C'est des annonces des autorités qui ont effectué des descentes ici et là. On voudrait qu'on puisse publier des contenus que nous, en tant que journalistes, on pourrait exploiter, que la population pourrait lire et trouver ce qu'ils veulent. Trouver par exemple si tu as besoin de tel ou tel autre service, où est-ce que tu peux le trouver, des statistiques. Pour un meilleur contenu, il faut que les sites soient actualisés, il faut qu'il y ait de nouvelles informations. La création de sites web ne suffit pas, mais nécessite une alimentation régulière. C'est l'analyse d'Abiyah David, expert en technique de l'information et de la communication. Il est également secrétaire exécutif de Bujahub, œuvrant dans ce secteur. Il conseille aux différentes organisations et institutions étatiques d'y mettre des contenus actualisés, ce qui est, selon lui, très important. On l'écoute. Si vous regardez les statistiques, actuellement, chaque jour, il y a plus de 5 milliards de gens qui sont connectés sur l'Internet. Et ce qui fait que l'Internet devient aujourd'hui une porte pour l'ouverture du monde. Et comme on le dit en Corse, c'est l'Internet fait un monde de devenir village. Donc, ce qui veut dire qu'un site web, c'est très important pour chaque institution. Parce que le site web, c'est la première entrée de chaque institution où les gens peuvent trouver les informations nécessaires, où les gens peuvent faire des contacts directs avec ces institutions pour le suivi de quelque chose ou pour avoir plus d'informations sur le dit institution. Création des sites web dans les années précédentes, c'était un peu difficile de créer des sites web parce que les seules personnes qui pouvaient créer des sites web étaient des informaticiens avec des langages compliqués comme PHP, HTML et d'autres. Mais aujourd'hui, avec le développement de TIC, il y a des plateformes maintenant où vous pouvez trouver le template de site web, télécharger un template et puis changer les informations, adapter selon votre institution. Ce qui est très facile pour tout le monde aujourd'hui, mais le problème maintenant, actualisation des informations ou alimentation de sites web, ce qui fait que beaucoup de sites web aujourd'hui ont des informations très, très, très antidatées. Si vous regardez, vous trouverez qu'il y a des informations d'il y a 2 ans, il y a 3 ans, et pourtant, la dite institution est toujours en train de faire d'autres activités et réaliser d'autres choses. Le problème d'alimentation de sites web maintenant, c'est lié à beaucoup de choses. C'est manque de compétences dans la création des contenus. Première chose à comprendre, il faut avoir bien sûr un administrateur de ce site web. Deuxième chose, il faut s'assurer que l'administrateur a des compétences dans la création de contenu de site web. Et puis, après avoir eu du contenu, ça serait facile maintenant d'alimenter le site web. Mais très important, premier conseil est que chaque site web a besoin d'avoir des informations actualisées. Captez Isanganiro, écoutez la différence. La ministre de la Justice rencontre ce vendredi à Gitega les chefs des juridictions supérieures, des services et des administrations personnalisées. Dominique Banyangimbona a tenu à préciser que cette rencontre vise la mise en application des recommandations du chef de l'État à l'appareil judiciaire ainsi que la recherche des solutions aux lamentations de la population vis-à-vis de la justice burundaise. Suivez la ministre Dominique Banyangimbona, traduite en français par Aïssa Liliane Inamahoro. yeni cyubahiro yaravumereye yuko uzoba umwaka udasanzwe wo kwitwararika ubutungane. Le chef de l'État a indiqué que cette nouvelle année sera une année consacrée à la justice pour qu'il y ait une valeur ajoutée par rapport aux années antérieures. C'est après avoir constaté que la justice est caractérisée par beaucoup d'irrégularités, même si les magistrats font tout pour satisfaire les justiciables. Nous tous, nous sommes convaincus que même si l'appareil judiciaire fonctionne, les lamentations ne manquent pas. J'ai été mandatée pour travailler en collaboration avec vous au sein du ministère de la Justice. Après vous avoir rencontré, le président de la République a affirmé au cours de cette réunion, se basant sur certains rapports, que les choses ne sont pas au bon fixe au sein de ce secteur de la justice. C'est pour cette raison que l'on se rencontre aujourd'hui pour voir comment diminuer ces lamentations de la population. Il y a eu également, très récemment, une émission publique au cours de laquelle le chef de l'État a reçu beaucoup de plaintes de la population en rapport avec le fonctionnement de la justice. C'est dans cette optique que nous nous sommes réunis ici pour voir comment mettre en application les souhaits de la population, en commençant par ceux du chef de l'État en rapport avec la justice. Duhereye ku byifuzo byanye n'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yamaze kuvuga yerekeza ku gisata cy'ubutungane. La ministre de la Justice. Certains commerçants qui exerçaient leurs activités à l'ancien marché central de Bujumbura s'inquiètent de la lenteur mise pour débuter la réhabilitation de ce marché ravagé par le feu il y a près de 10 ans. Ils se disent choqués par le fait qu'à côté de la perte de leurs biens, ils ne trouvent pas un endroit bien aménagé pour reprendre leur commerce. Ils demandent aux autorités habilitées de s'engager résolument à construire cette infrastructure très vitale pour l'économie nationale. Élément de réponse, dans ce compte-rendu du Conseil des ministres, les travaux de construction d'un centre commercial, aussi de l'ancien marché central de Bujumbura, prendront 5 ans et son inauguration est prévue pour le 3 avril 2026. On ne dit pas quand ça commence, mais ainsi en a décidé le Conseil des ministres du mois de septembre 2021. Suivez les précisions du secrétaire général et porte-parole du gouvernement Prosper Nahorgwami. Il est prévu que les travaux de construction vont durer 5 ans. L'inauguration officielle de ce centre est projetée au 3 avril 2026. Quant au mémorandum d'entente, il fixe le montage financier du projet via la création d'une société mixte d'investissement, indique les obligations de chacune des parties et détermine le mode de gestion du projet commun. Après échange et débat, les deux documents ont été adoptés moyennant certains éléments à tenir en compte dans la finalisation, notamment la disponibilisation du titre de propriété du site de l'ex-marché central de Bujumbura au nom de l'État, ainsi que la détermination de la superficie du terrain ainsi que sa valeur commerciale. Veillez à ce que, au moment de la signature de la convention, chaque banque s'engage à son titre. Retravaillez le mémorandum d'entente pour ne garder que l'essentiel, d'autant plus que les détails vont se trouver dans la convention qui sera signée par après. Dans la convention à signer, précisez que le terrain est une partie du capital, mais qu'il reste. Prosper Nahorgwami, porte-parole du gouvernement. Certains commerçants de vivres au marché de Kamenge récemment réhabilités se plaignent de l'absence de toiture sur les lieux de travail. Le soleil et la pluie endommagent leurs marchandises et fragilisent leur état de santé. Ils disent également que l'insalubrité y règne à cause du mauvais aménagement du dépotoir du marché. Radio Isanganiro, chronique environnement. Les changements climatiques et la dégradation du sol sont des conséquences du déboisement. Explication d'Athanase Nkunzimana, chercheur et professeur à l'Université du Burundi en sciences géographiques, environnement et population. Selon ce chercheur, le reboisement des paysages permettra la protection de l'environnement. Lydie Gahimbare. Dans la chronique précédente, le chercheur et professeur à l'Université du Burundi, Athanase Nkunzimana, a expliqué que la pression démographique et la pauvreté sont des causes principales du déboisement. Aujourd'hui, Athanase Nkunzimana explique que le changement climatique et la dégradation du sol sont des conséquences du déboisement. L'une des principales conséquences du déboisement, c'est le dénudement des paysages, diminuer la destruction de l'écosystème. Et ce dénudement entraîne l'intensification du phénomène d'érosion, qui par après aussi est à la base de la dégradation des sols. Donc vous comprenez mieux que pour les terres agricoles, et ce déboisement, le déboisement peut entraîner, n'est-ce pas, la réduction du rendement agricole. Et le déboisement aussi est à l'origine de la diminution du bois de chauffage. Vous savez que la plupart des Burundais utilisent le bois pour la cuisson ou le charbon de bois, et ça va entraîner aussi la diminution du charbon de bois aussi. Mais également, ça va aussi réduire aussi le bois pour la construction des maisons, pour aussi la fabrication des meubles, etc. Et il ne faut pas aussi oublier le rôle prépondérant des arbres dans la séquestration du COD, qui est un des gaz à effet de serre responsable, n'est-ce pas, du réchauffement climatique. Lequel réchauffement climatique va entraîner, disons, le changement climatique avec les impacts négatifs multiples, non seulement sur le plan planétaire, mais également au Burundi en particulier. Selon Athanase Nkuzimana, le reboisement des paysages est l'une des solutions pour la protection de l'environnement. Quant aux mesures à prendre pour sauvegarder ou pour protéger l'environnement ou lutter contre le déboisement, je dois souligner que la population devrait changer de mentalité, apprendre à planter, disons, les arbres. Les gens devraient penser à remplacer de l'arbre à l'argile dans la fabrication des meubles, ajoute-t-il. Et dans le même but aussi, il faut chercher d'autres sources ou d'autres matériaux à utiliser dans la construction ou dans les menuiseries. Dans ce cas, on pourrait réduire, le nombre d'arbres coupés en termes de tonnes. Et dans ce cas, il faut penser par exemple à utiliser les matériaux en argile, par exemple, en brique adobe, dans ce sens, c'est qu'il y a une partie d'arbre, en tout cas, qui a été sauvegardée. Et donc, si dans toutes les provinces, on parvenait à utiliser d'autres matériaux autres que le bois, l'arbre, donc on pourrait sauvegarder ou, protéger nos collines. Parce que protéger nos collines, c'est aussi protéger notre santé, notre environnement. Selon toujours Athanase Nkuzimana, chercheur professeur à l'Université du Burundi, l'État doit appuyer les projets de création d'autres sources d'énergie comme les déchets ménagers afin d'éviter le déboisement. Merci Lydie Gahimbare. Et en bref, en actualité internationale, 3 réfugiés érythréens dont 2 enfants ont été tués mercredi dans une frappe aérienne dans la région en guerre du Tigré en Éthiopie. C'est ce qu'a indiqué le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, l'OHCR. La frappe a touché le camp de réfugiés de Mai Aini dans le nord de l'Éthiopie. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les grandes articulations avant de nous séparer. Certains commerçants qui exerçaient leurs activités à l'ancien marché central de Bujumbura s'inquiètent de la lenteur mise pour débuter la réhabilitation de cette infrastructure ravagée par le feu il y a près de 10 ans. Cette question a été débattue au Conseil des ministres du mois de septembre 2021. Eh bien, les travaux de construction de ce centre commercial devraient prendre 5 ans et l'inauguration est prévue pour le 3 avril 2026. Mais pour l'instant, on ne précise pas quand les travaux commencent. Et l'alimentation des sites web en contenu actualisé reste le plus important que leur création, selon Abiyar David, expert en technique de l'information et de la communication. Et vous venez de le suivre dans la chronique Environnement ce vendredi. Un professeur d'université nous a expliqué que le reboisement reste la meilleure façon de protéger l'environnement. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Alphonse pour la mise en onde au micro. Jean Bosco Douimana. Passez un très bon après-midi.